Technique, mon frère, tu veux, je te vends les notices. Faut quoi, mais ça m'a guérié. Prêt à mettre le nez dans la cam, même le jour férié. I am my money, super saiyan, super guerrier. Texman, moins un goût, vous avez lié. Sous le ton clash et Kung, on va te mutiler. Dans mon roue, y'a pas le pitié. On avertit toujours avant de tuer. Ma foi MC Wenga Miza.